Bruno, comment on se glisse dans un projet qui a facilement 10 ans? Ça, c'est assez rigolo parce que Chris m'a totalement menti au départ. C'est quand il m'a proposé le projet, il m'a pas du tout dit qu'il y avait 5 dessinateurs qui s'étaient cassés la gueule dessus. Et je l'ai découvert par internet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 5 dessinateurs qui mettaient leur page du projet en ligne sur leur blog respectif. Et j'ai commencé à me dire, mais il y a combien de personnes qui ont bossé sur ce projet avant moi? Et du coup, ça met un peu la pression. C'est-à-dire que quand on a vu 5 personnes se casser la gueule sur un projet, on se dit, oulala, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va m'arriver si je l'accepte, ce projet-là? Puis bah voilà, il se trouve que moi, je le trouvais vraiment très très bon, le projet, quand je l'ai vu arriver. Donc j'ai fait en sorte de ne pas me casser la gueule au milieu. Je peux préciser quand même que je passe pas pour un esclavagiste. Parce que c'est absolument pas dans mes habitudes. C'est vrai qu'en général, j'écris déjà quasiment rien tant que je ne sais pas pour qui je vais écrire. Donc je bâtis grosso modo le contexte ou ce que pourrait être l'histoire. Et après, je cherche le dessin idéal. Les Brigades du Temps ont eu une histoire très complexe, mais on a toujours gardé des bons termes avec les auteurs qui ont travaillé dessus. Effectivement, ils se sont cassés les dents parce que c'est un vrai projet difficile par son alliance justement entre deux univers très différents, la science-fiction, l'histoire, l'humour, mais quand même aussi une gravité comme on le découvrira par moment. C'est un sujet compliqué. Après, il a été signé avec un premier auteur malgré tout. Lui, au final, voilà, ça n'est pas allé au bout, mais pour le coup, ce n'était pas de mon fait. Et puis, on n'a pas gardé de mauvais termes là-dessus. Mais en soi, il a effectivement épuisé 5 dessinateurs et 3 éditeurs également. Une fois de plus, pas de mon fait, mais par des suites de rachats successifs ou de démissions ou de débarquages, ce projet a aussi été suivi par 3 éditeurs différents. Tu es épuisant finalement. Ah, mais c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ouais, c'est vrai de travailler, ça je le reconnais, hein. Avec la façon dont je travaille, c'est vrai que c'est souvent sur le très long terme. Pour l'instant, malheureusement, peut-être pour mes futurs co-auteurs, c'est que cette longueur de la création, ce temps de création, a quand même profité au livre au final à chaque fois. Je ne pense pas que les autres bouquins auraient eu ou cet impact-là s'ils étaient sortis trop vite. Alors c'est vrai que les Brigades du Temps, peut-être finalement, arrivent au bon moment plutôt que de sortir en 2002 ou en 2005. Donc au final, on va espérer que ça va profiter au livre. C'est le principe d'une cafetière, d'être épuisante. Balzac en est mort.